Chapitre 7e. Vous cherchez Antoine? Ah, il est bien heureux qu'il ait vraidé, qu'il est parti. Il ne moisit guère chez nous, allez. Tandis que M. Noël, à qui s'adressaient ces paroles, fronçait le sourcil et bougonnait entre ses dents, Sœur Aide Verdier s'était assise sur une chaise basse, et tout en écossant des haricots, elle continuait. Voyez-vous, Antoine maintenant a l'air de s'ennuyer avec nous. Il n'a pas plutôt avalé sa dernière bouchée qu'il enfile le chemin de Vivet. Et Dieu sait à quelle heure il rentre. En attendant, mon pauvre souper se dessèche dans la coquelle, et le plus souvent, nous le mangeons tout seul, Verdier et moi, parce qu'on a retenu Antoine à dîner là-bas. Lui, qui autrefois passait quasi toutes ses soirées à côté de moi, ah, il est bien changé. J'avais raison de dire que ce méchant Paris ne valait rien pour mon Gâchenet. Paix donc, sœurette, interrompit Verdier en haussant les épaules, toujours des exagérations. Antoine est un brave enfant, mais quoi, il est jeune, et nous sommes vieux, il aime à s'amuser, et c'est tout naturel. Il y a une préférence où il trouve des distractions. Des distractions, reprit sœurette en hochant la tête. Ma fille, si on lui donne de la gaieté là-bas, il n'en rapporte guère ici, car il revient chaque soir plus songeur et absorbé. On ne peut pas lui arracher deux paroles. C'est bon, je ne suis pas si simple que j'en ai l'air, et je me doute de quelle couleur elles sont ces distractions. Mon Dieu, s'il s'agissait d'une fille sage, modeste et bien élevée, je ne dirais rien. Ce n'est pas moi qu'il détournerait du mariage, au contraire. Mais j'ai peur qu'il ne soit amouraché d'une coquette sans cervelle, et cela me met le souci au cœur. Qu'est-ce qu'elle a donc, cette demoiselle de la Maison Verte, pour qu'Antoine en soit affolé de la sorte ? Bon, répliqua le garde général, qui voulait paraître rassuré, et n'était guère plus que sa femme. Tu vois tout de suite les choses en noir. Antoine a la tête solide. S'il s'aperçoit que la demoiselle est une écervelée, il tournera les talons et s'en reviendra. Il s'en reviendra amoindri et abêti, grommela M. Noël, indigné de l'apparente résignation du forestier. Voilà comment il s'en reviendra. Tenez, Verdier, votre femme, toute femme qu'elle est, a plus de bon sens que vous, et vous me faites bouillir. Adieu. Il sortit en marmonnant, tandis que Sœurette s'essuyait les yeux, et que Verdier, pour dissimuler sa mauvaise humeur, feuilletait d'un air affairé son livre-journal. Au fond, il éprouvait les mêmes inquiétudes que sa ménagère, mais pour lui comme pour Sœurette, Antoine était le dieu de la maison, et si en son absence on se laissait aller à maugréer, dès qu'il était là, on ne se permettait pas le moindre mot pu sonner comme un reproche ou une critique. Néanmoins, quand il rentra ce soir-là, Verdier le prit à part et affectant d'un ton dégagé. « À propos, mon camarade, commença-t-il, tu sais qu'on trouve à dire au logis. Je ne parle pas pour moi, mais la bonne femme prétend que tu sembles t'ennuyer chez nous. Tu la connais, et elle voudrait toujours t'avoir cousu à ses jupes. Que diable veux-tu? Les femmes sont comme cela. » « Si tu étais gentil, demain tu lui tiendrais compagnie un bon bout de temps pour la rassurer. » Antoine comprit. Son cœur lui avait déjà dit plus d'une fois ce que son père lui insinuait timidement. Intérieurement, il se reprochait de négliger sa mère et de lui voler ses courtes journées de vacances pour les donner à une autre. Mais chaque jour, un attrait plus fort le poussait sur le chemin de Vivet. Il était devenu l'hôte assidu de la Maison Verte. Monsieur Latremblay, charmé d'avoir quelqu'un avec qui causer, s'efforçait de l'y retenir le plus longtemps possible, et de vrai, il ne fallait pas de grands efforts. La présence de Raymonde suffisait. C'était seulement à la Brune, rentrant à Aubrive, qu'Antoine rentrait aussi dans sa conscience et entendait une voix intime et persistante lui reprocher l'abandon où il laissait sa mère. Aussi, le lendemain, dès le matin, il alla dans la cuisine, trouvait Sœurette, occupée à fourbir les landiers de la cheminée, et lui annonça qu'il se mettait à sa disposition pour toute la journée. La bonne femme pensa l'étouffer en l'embrassant. Sitôt le ménage en ordre, elle emmena son fils au jardin et l'entretint minutieusement des améliorations qu'elle avait introduites dans les carrés du potager. Comme au temps où il était écolier, Antoine lui aida à cueillir les poires des quenouilles et les raisins de la treille. Tout alla bien jusqu'à midi, mais quand vint l'heure où d'habitude il prenait le chemin de la Maison Verte, l'image de Raymonde se glissa traîtreusement entre sa mère et lui. Une secrète impatience nerveuse lui fit alors sentir quelle maîtresse place cette jeune fille occupait déjà dans son cœur. Il la connaissait depuis 20 jours à peine, et lui semblait qu'elle était entrée dans sa vie depuis des années. Jamais aucune femme n'avait produit sur lui une pareille impression. Cela tenait-il à l'originale beauté de Raymonde ? Non. Il avait rencontré maintes fois des femmes plus régulièrement belles, et il n'avait pas été ému de cette façon. Ce qui lui plaisait dans Mademoiselle la Tremblay, c'était justement les côtés par où elle différait des autres jeunes filles, sa nature franche et primesautière, son ignorance de toutes les afféteries féminines, la virginale verdeur de son esprit, la sincérité de ses paroles. Quand le regard chercheur d'Antoine s'arrêtait sur les yeux limpides et les lèvres hautaines de Raymonde, il était persuadé que ses yeux et cette bouche n'avaient jamais menti. Il lisait la chaste et fière hardiesse d'un cœur qui ne s'était jamais prodigué en banale coquetterie, et cette fraîcheur veloutée de l'âme unit un caractère ardent et passionné, exerçait sur lui une fascination toute puissante. Après le repas du midi, Sorette installa sous l'auvent du jardin sa chaise basse et une corbeille de linge à repriser, puis elle se mit à la besogne, tout en jasant à plein cœur avec son fils assis à l'ombre sur un banc. Elle ne se sentait pas de joie de pouvoir à son aise l'entretenir des choses de la maison, des petites histoires du village, de tous ces menus détails domestiques dans le cercle desquels se mouvait sa pensée. Pendant ce temps, Antoine suivait d'un œil inquiet les progrès de l'ombre du toit sur les plates-bandes du jardin. Il calculait mentalement qu'il ne lui fallait qu'une heure en marchant bien pour traverser la forêt et arriver à la maison verte. En partant vers le milieu de l'après-midi, il pourrait encore y passer une bonne partie de la soirée. Le soleil tombait déjà plus oblique sur la route blanche qu'on voyait poudroyer jusqu'à la lisière du bois. Les alouettes gazouillaient dans les champs. De temps en temps, on entendait le coup de fusil d'un chasseur ou l'aboiement d'un chien. « Que fait Raymond ?» se demandait-il. « Sans doute, elle m'attend. Je lui avais promis de dîner à la maison verte. » Et lui semblait la voir se promener impatiemment autour des pelouses ensoleillées, consultant sa montre et interrogeant de l'œil le coin de la forêt par où débouche le sentier d'Aubrive. « Antoine, tu ne m'écoutes pas ?»« Si fait, mère, tu parlais d'Abdon, le ferblantier, et de Lisa, la boiteuse. Eh bien, se sont-ils mariés ? Tu vois, il y a plus d'un quart d'heure que je t'ai dit que le père d'Abdon avait refusé son consentement et que de chagrin la boiteuse était rentrée novice au couvent de Saint-Loup. Ton esprit est ailleurs, mon garçon. » Antoine fit un effort violent pour se remettre à la conversation, mais à mesure que les minutes s'enfuyaient, l'impatience le prenait. Dans l'air calme et brûlant, le clocher du bourg sonna lentement 4 heures. Le jeune homme se leva et se promena le long du mur de la maison. « J'ai besoin de me dégourdir les jambes, » insinua-t-il, « et j'ai bien envie d'aller jusqu'au bois de charbonnière. » Par ce grand soleil, s'écria Sorette, dont la figure s'allongea. « Bon, la chaleur est déjà tombée, et puis, n'est-ce pas l'heure où tu fais ta station à l'église ?»« Je m'en serai dispensé aujourd'hui, » répondit sa mère en soupirant, « mais je ne veux pas te gêner. Va, mon garçon, tu n'es pas ici pour t'ennuyer. » Il était déjà dans la cuisine. « Faudra-t-il t'attendre pour souper ?» lui cria Sorette, désirant du moins lui faire comprendre qu'elle n'était pas dupe de son manège. Antoine, honteux de son hypocrisie et revenant brusquement sur ses pas, prit sa mère à bras-le-corps, la baisa tendrement sur les deux joues et murmura « Eh bien franchement, non, ne m'attends pas, je suis invité à dîner. »« Ah » dit-elle en lui rendant ses baisers à pleines lèvres, « mon pauvre Gachenet, tu es encore bien jeune pour ton âge. » Il s'élança sur la route et fit de grandes enjambées pour attraper le temps perdu. Il traversa la forêt tout d'une traite et vit, au bout de 3 quarts d'heure, s'éclaircir le taillis qui surplombe au-dessus de Vivet. Mais au moment où il était sur le point de sortir du bois, un chien aboya, un homme couché au pied d'un chêne se leva et Antoine se trouva face à face avec M. Noël. « Ah, c'est toi ? Bonjour donc !» s'écria le bonhomme, examinant ironiquement la figure décontenancée de son élève. « C'est fort heureux que je te rencontre au coin d'un bois, car tu n'eusses guère tes semelles sur le chemin du chanois. »« C'est vrai, monsieur Noël, » balbutia Antoine, « j'aurais dû aller vous voir plus souvent. Mais j'en étais empêché par des visites aux environs, et puis j'ai reçu de Paris des épreuves qu'il a fallu corriger. »« Tu as un nouveau travail sur le métier ?»« Tant mieux, tu me compteras cela en route, car j'espère bien que tu vas me reconduire. »« Pas ce soir, monsieur Noël, excusez-moi. »« Pourquoi pas ce soir ?» riposta le vieux professeur. « As-tu des projets qui t'obligent à me fausser compagnie ?»« Oui, je descends à Vivet et j'y serai retenu jusqu'à la nuit. J'ai promis et je ne peux manquer à ma parole. »« Ne t'empêtre pas dans des explications inutiles, » s'exclama le bonhomme, qui n'était plus maître de ses nerfs. « Je vais te dire, moi, ce qui te retient à Vivet. C'est la diablesse qui habite cette maudite maison. » De ses maigres doigts tremblants de colère, il désigna les toits d'ardoise de la maison verte, puis il rabattit sa main sur le bras d'Antoine, qu'il serra comme dans un étau. « Bien temps !» continua-t-il, tu n'es pas fait pour servir de proie à ces aventuriers. » Au premier mot prononcé par M. Noël, Antoine avait rougi, mais il reprit promptement son sang-froid et repartit en riant. « Votre haine pour les femmes vous emporte trop loin, cher maître. Cette jeune fille ne mérite pas les épithètes dont vous la gratifiez, et M. Latremblay est un galant homme. »« Laissons le père pour ce qu'il est, » interrompit brutalement le professeur. « Il ne s'agit pas de lui, mais de sa fille, qui est en train de t'enjôler. Tu es naïf comme tous les gens d'études, et tu n'entends rien aux roueries de ces minaudières-là. Celle-ci joue de la prunelle à merveille, parbleu. On les élève à cela au maillot. Elle te mignote avec des sourires sucrés, des paroles câlines, et tu te laisses prendre à toutes ces chatteries. Je connais ça. » « Vous vous trompez, » répliqua vivement le jeune homme. « Mademoiselle Latremblay est précisément tout le contraire de ce que vous dites. Il n'y a pas un grain de coquetterie dans toute sa personne. Elle a grandi comme un sauvageon avec les qualités et les défauts de sa nature. Elle est fantasque, volontaire, excentrique, mais elle a le cœur bon, simple et franc. « La peste !» moqua M. Noël. « Il paraît que tu l'as étudiée en conscience. »« Oui, elle m'intéresse, je l'observe, et je découvre en elle des trésors de sensibilité et de naïveté. » « Et quand tu auras terminé cette analyse bien digne d'un savant de haute volée, » poursuivit ironiquement le bonhomme, « que comptes-tu faire de ton sujet ?»« Je compte lui demander de vouloir bien être ma femme, » répondit Antoine d'un ton ferme, « si toutefois elle m'aime, ce dont je ne sais rien encore. »« Tu seras assez fou pour te marier ?» s'écria le professeur indigné. « Pourquoi pas ?»« Parce que, malheureux enfant, le mariage est un obstacle à toute étude sérieuse. Je suppose que cette enjôleuse et toutes les vertus dont tu la pars, si t'en es pas moins une femme. Plus elle t'aimera, plus elle regardera la science comme une odieuse rivale. Plus elle cherchera à détourner au profit du plaisir les heures destinées au travail. Le froufrou de ses jupes effarouchera tes idées. Le bruit de son caquet emplira ta chambre d'études. Ses caresses t'alanguiront et te dessécheront. Et quand tu n'auras plus ni courage, ni valeur, ni autorité, quand tu seras vidé, entendu, vidé comme une calebasse dont on a enlevé la pulpe, alors elle te reprochera de n'être pas un grand homme. Elle souffrira dans sa vanité, elle te méprisera et te plantera là. Bien-t'en, te dis-je, et si tu m'aimes, n'épouse pas cette fille. » « Mon cher maître, » répondit énergiquement le jeune homme, en se dégageant de l'étreinte enragée de M. Noël, « je vous dois tout, et je suis prêt à faire tout ce que vous demanderez de raisonnable. Mais vos idées antimatrimoniales ne prouvent rien contre Mademoiselle Latremblay personnellement. Donnez-moi un motif sérieux de renoncer à mes visites à la Maison Verte, et je vous obéirai. Sinon... »« Ah, tu veux des raisons plus sérieuses ?» s'écria M. Noël, dont la figure s'était allumée et dont les yeux jetaient les éclairs. « Eh bien !» Il s'arrêta, se mordit les lèvres, baissa soudain ses paupières fatiguées et redevenant très pâle. « Eh bien non, » reprit-il tristement. « Suis ta destinée, animal entêté, donne dans le panneau. Ce qui est écrit. » Et je suis bien sot de me mêler de tes aventures. Bonsoir. » Il siffla sa chienne et s'enfonça sous bois. Antoine resta un moment occupé à regarder le bonhomme décroître dans le lointain de l'allée, puis secoua ses épaules et descendit d'un trait la rampe de Vivet. Dès qu'il franchit la grille de la Maison Verte, il aperçut Raymond qui piétinait au milieu de la pelouse où les pignons et les tourelles projetaient leur ombre démesurément grandie par le soleil déclinant. « Comme vous êtes en retard, » dit-elle, tandis qu'un sourire éclairait sa figure. « Je commence à croire que vous ne faisiez faux bond, et vous auriez eu tort, car ma mère est à Langres, d'où elle ne reviendra que tard. Mon père est seul, et nous dînons gentiment à nous trois. » En effet, grâce à l'absence de Madame Clotilde, une douce et familière intimité s'établit pendant le dîner entre ces trois êtres sympathiques que ne gênaient plus l'œil inquisiteur et le verbiage fatigant de la maîtresse du logis. Délivré de la domination absorbante de sa femme, M. Latremblay eut des fantaisies d'écolier qui fait l'école buissonnière. Son esprit s'aviva, sa langue se délia, il se versa de plus amples rasades, comme pour se manifester mieux encore à lui-même qu'il avait recouvré sa liberté d'action. Aussi le dîner se prolongea-t-il fort avant dans la soirée, et les trois convives achevaient à peine leur dessert que déjà les premières ombres du crépuscule glissaient le long des tentures de la salle à manger. M. Latremblay était allé s'installer dans un confortable fauteuil américain, et fatigué de la dépense nerveuse qu'il avait faite, s'y balançait paresseusement, laissant la parole aux deux jeunes gens et se contentant de répondre de temps à autre à leur saillie par un sourire vague. Peu à peu, son front se renversa sur le dossier et il s'assoupit. « Il dort, » chuchota Raymonde. « Cela lui arrive quelquefois après dîner. N'ayons pas l'air de nous en apercevoir et passons dans la bibliothèque. Donnez-moi la main. Je vais vous guider de peur que vous ne le réveilliez en vous heurtant un meuble. » Elle souleva la lourde portière qui séparait les deux pièces et ils s'esquivèrent sur la pointe des pieds. La bibliothèque était complètement envahie par la nuit et Antoine ne se pressait pas de quitter la petite main de la jeune fille. Il éprouvait une sourde volupté à la sentir dans ses doigts, chaude et frémissante comme un oiseau captif. Il restait un moment immobile dans les ténèbres, puis Raymonde, dégageant lestement sa main, se dirigea à tâtons vers une console et alluma une lampe dont le grand abat-jour opaque laissait seulement tomber sur le milieu du parquet une ronde tache lumineuse, tandis que tout le reste de la haute pièce demeurait sombre. « Là, dit-elle, maintenant nous pouvons attendre tranquillement qu'il se réveille. Les domestiques sont habitués à le voir parfois sommeiller après leur pas, et ils ont l'ordre de ne pas le déranger. Causons, si toutefois cela ne nous ennuie pas de causer avec une petite fille aussi ignorante que moi. » « Votre prétendue ignorance, répondit Antoine, en s'asseyant près du divan où elle s'était pelotonnée, est justement ce qui me séduit le plus en vous. » Elle appuya son menton sur l'un de ses doigts, inclina la tête avec un joli mouvement d'oiseau, regarda de côté le jeune homme et sourit. « Oh, séduit, murmura-t-elle, le mot est bien fort. Je croyais que vous autres savants, vous n'exagériez jamais. » « Le mot n'est que juste, répliqua-t-il brièvement. Puis il se tut et resta pensif, tout en la contemplant dans le coin où elle s'était blottie et où la pénombre qui l'enveloppait ne laissait voir que les grandes lignes onduleuses de son corps souple, le profil perdu de son visage, un bout d'oreille noyé dans les crépelures de ses cheveux et la courbe exquise d'une paupière baissée. Au milieu de ce profond silence, Raymonde n'osait plus regarder Antoine ni lui parler. Son instinct de femme l'avertissait que le moment était venu où le jeune homme allait s'enhardir et ouvrir son cœur. Elle pressentait la déclaration de tendresse suspendue aux lèvres de son vis-à-vis. Il était partagé entre le désir et la crainte de le voir sortir de la réserve qu'il avait gardée jusque-là. Sa poitrine était agitée et sa main nerveuse tortillait les franges du divan. Elle comprit cependant que son silence accroissait l'embarras de la situation et elle voulut le rompre. « Je me trouve si sotte, » dit-elle, et lui sembla que sa voix avait doublé de volume, tant le son lui en paraissait étrange. « Je m'étonne toujours qu'un homme aussi instruit que vous puisse prendre du plaisir à ma conversation. »« J'en ai pourtant et beaucoup, » répondit-il, « tellement que lorsque je sors d'ici, plus rien ne m'intéresse. Et pourtant, chaque fois que je m'en vais, je sens que je ne vous ai pas dit un seul mot de ce que j'ai dans l'esprit. Mademoiselle Raymonde, je... » Il s'arrêta brusquement. « Non, pensa-t-il pas encore. Si elle allait ne pas m'aimer, laissons-lui le temps de me mieux connaître avant de lui révéler mon secret. » Et ses lèvres se refermèrent sur la phrase commencée. Elle l'écoutait, les yeux clos. Quand elle lui entendit prononcer son nom, un délicieux frisson d'anxiété lui courut par tout le corps, puis s'apercevant qu'il était redevenu muet. Un confus sentiment de déception remplaça l'émotion de l'attente. Elle rouvrit les yeux et se tournant à demi, « Que disiez-vous ? » murmura-t-elle sournoisement. Il était redevenu maître de lui et secouant la tête, il répliqua. « C'est une pensée qui m'était venue et dont j'hésite un peu à vous faire part, car je ne sais si vous ne la trouverez pas indiscrète. Je désirais que ma mère vous connût. Elle vous aimerait. » Raymonde se redressa sur son coude et, demi-désappointée, demi-contente, car à bien le prendre, le vœu exprimé par Antoine était encore une sorte de déclaration délicatement voilée, elle sourit. « En êtes-vous bien sûr ? » demanda-t-elle. « Déjà votre père a fort mauvaise opinion de mon caractère. Qui sait si je ne produirais pas le même effet sur votre mère ? Et pourtant, rien qu'à vous entendre parler d'elle, je l'ai aimée tout de suite. Vous ne sauriez croire quelle impression d'intérieur heureux et uni vous m'avez donnée lorsque, dans le bois de la Tiaille, vous avez fait allusion à l'impatience avec laquelle on vous attendait chez vous. J'aurais voulu être dans votre maison et assister à la joie de ces braves cœurs qui se préparaient à vous fêter. Vrai, je vous sais gré d'avoir deviné mon désir, et un de ces matins, Jeannick et moi, nous irons vous faire visite. Vous verrez ma mère, reprit Antoine, et vous lui plairez. C'est une bonne femme toute dévouée et toute simple. Votre nature franche lui ira droit au cœur. Franche ? Certainement, je le suis, murmura Raymonde. Mais c'est donc là un grand mérite à vos yeux, que vous le mettez au-dessus de toutes les qualités que je puisse avoir. C'est la qualité maîtresse. Toute femme qui n'est pas sincère et naturelle est pour moi une créature qu'on peut admirer, mais qu'on ne peut estimer. De sorte que si j'avais le moindre mensonge sur la conscience, je passerais dans votre opinion pour une espèce de petit monstre. Vous ne pourriez pas mentir, s'écria-t-il. Vos yeux sont trop limpides pour qu'une fausseté puisse jamais les troubler. Tandis qu'il parlait, il sembla tout à coup à Raymonde que l'ombre colossale d'Osmain se dressait au fond de la bibliothèque, la regardant avec ses gros yeux pleins de reproches et la menaçant de son doigt de géant. Elle sentit une intime piqûre au fond de son cœur et sa figure prit une expression sérieuse. « Vous me croyez meilleur que je ne suis ?» dit-elle en secouant la tête. Antoine eut un geste d'incrédulité. « Quoi ? » reprit-il en lui saisissant la main et en souriant. « Prétendez-vous que vous seriez capable de mentir ?» Sa figure s'était involontairement rapprochée de celle de la jeune fille et Raymonde voyait deux regards tendres et inquiets plonger jusqu'au fond de ses yeux. « Je n'ai pas dit cela, » s'écria-t-elle. « Seulement, je ne veux pas vous laisser croire que je suis une perfection. » Et j'ai comme une autre mes petits péchés sur la conscience. » Il lui tenait toujours la main. « Voyons, » insinua-t-il d'une voix douce, « comptez-les-moi, voulez-vous » Elle restait indécise, et cependant, elle sentait qu'il ne fallait se perdre cette occasion de confesser son aventure avec Osmain. L'heure était propice, l'endroit solitaire, et la lampe discrètement voilée plongeait dans l'ombre le coin où elle se trouvait. Antoine ne la verrait pas rougir. D'ailleurs, il paraissait disposé à l'indulgence. Elle prit son grand courage et se décida à parler. « Eh bien, commença-t-elle ? » Au même moment, la portière de la salle à manger fut violemment soulevée, et Madame Clotilde apparut brusquement devant les deux jeunes gens déconcertés. Leurs mains eurent à peine le temps de se quitter. « Que complotez-vous donc dans ce coin ? » demanda la dame en les enveloppant d'un regard soupçonneux. Antoine s'est élevé, et Raymonde, à son tour, avait quitté lentement les coussins où elle s'était blottie. « Nous attendions, répondit-elle, que mon père s'éveillât. »« Vous ne trouvez pas le temps long, il paraît, » observa ironiquement Madame Clotilde. « Ton père est remonté chez lui depuis une demi-heure. Moi-même, je suis fort lasse, la voiture m'a éreinté, et je ne désire plus que mon lit. » Antoine comprit qu'on le trouvait importun, il s'excusa brièvement et prit congé de la maîtresse du logis. Quand il fut parti, cette dernière alluma une bougie et la présentant à sa fille. « Ma chère, » dit-elle aigrement, « tâche à l'avenir d'être un peu plus réservée, et ne reste pas pendant des heures en tête-à-tête avec un jeune homme que tu connais à peine. Ce n'est pas convenable. Si M. de Préfontaine venait à l'apprendre, il serait peu satisfait, et il aurait raison. » Raymonde prit d'un air déconfit le flambeau qu'on lui tendait, lança à sa mère un regard farouche et sortit sans répondre. Madame Clotilde, dès qu'elle fut seule, porta la lampe sur le bureau, s'assit et resta plongée dans une méditation qui n'avait rien d'aimable pour Antoine. Ce garçon était venu se jeter en travers de ses projets et elle le haïssait. Nul doute que Raymonde ne fût en train de l'aimer et toute disposée à lui sacrifier Osmain. Or, ce dénouement n'était nullement du goût de Madame Clotilde. Elle voulait bien donner sa fille à un des notables du canton, à un voisin influent qui introduirait ses relations à la Maison Verte, et ouvrirait à sa nouvelle famille les portes jusque-là fermées des maisons honorables des environs. Mais avoir pour gendre le fils d'un obscur forestier, un professeur sans fortune et sans racines dans le pays, qui emmènerait Raymonde à Paris et laisserait Madame Clotilde en tête-à-tête avec M. La Tremblay au fond des bois, non, elle ne voulait pas d'une si sotte aventure, et il fallait couper sur pied cette amourette encore en herbe. Elle prit une feuille de papier et écrivit à Préfontaine la lettre suivante. « Mon cher Osmain, vous vous attardez plus que de raison dans vos montagnes. Raymonde s'impatiente. Elle me charge de vous dire qu'elle trouve le temps un peu long et son amoureux un peu tiède. Vous savez, mon cher ami, qu'elle a une mauvaise tête. Ne la poussez pas à chercher des distractions et à commettre quelque étourderie. Songez que les absents ont tort et rappelez-vous ce proverbe vieux comme les rues, mais qui me semble absolument en situation. Qui va à la chasse perd sa place. » Faites donc comprendre à votre cher oncle que la vôtre est près de votre fiancée et revenez-nous au plus vite. » Quand la lettre fut cachetée, elle la remit au petit domestique en lui recommandant de la porter lui-même dès l'aube à la poste de Aubrive Puis, ne doutant pas de l'empressement d'Osmin, elle remonta dans sa chambre et s'endormit avec la conscience reposée d'une mère de famille qui a rempli convenablement ses devoirs.